La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie de Fujita est faite d'allers et de retours entre la France et le Japon. Né en 1886 dans une famille descendant des samouraïs, il a développé très jeune une vocation d'artiste que son père, médecin militaire, a choisi de ne pas entraver. Admirateur de la peinture occidentale, il part pour Paris en 1913, où il devient une figure de Montparnasse et le japonais préféré des Français. Et puis de retour dans son pays, durant la Seconde Guerre mondiale, il peint les combats pour l'État japonais, avant de revenir en France durant les années 50, où il termine sa vie après s'être converti au catholicisme. Tout cela, Sylvie Buisson nous l'a raconté hier en détail au cours d'une émission disponible en téléchargement. À partir de demain, nous terminerons notre cycle sur les années folles en racontant l'histoire de Mademoiselle Chanel. Nous commencerons d'abord en écoutant Isabelle Fimeyer nous parler de sa biographie, avant de rencontrer Olivier Saillard, ce sera jeudi, pour un tour d'horizon sur la mode du temps de Chanel et singulièrement, bien sûr, pendant les années 20. Et aujourd'hui ? Fujita m'a dit que c'est à la suite d'une exposition à Tokyo de Claude Monet qu'il est venu à Paris. Alors je lui ai demandé comment il dessinait. Il dessinait très vite. Il m'a dit, au Japon, nous avions une école où nous faisions du dessin et surtout des bouquets, des touffes de roseaux. Et quand l'un de nous manquait le dessin, il se punissait. Et quelle était cette punition ? La plus belle. Il se privait de dessiner pendant quelques jours. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, pour parler de l'œuvre de Fujita, nous sommes en compagnie d'Anne Ledibérder, directrice de la maison atelier Fujita, aussi autrice de l'essai monographique Fujita, le maître du trait, publié chez Philippe Piquet en 2010. C'était l'année aussi de l'exposition Fujita monumentale Enfer et Paradis au musée des Beaux-Arts de Reims, dont elle avait rédigé le catalogue pour les éditions Azan. Et puis à noter qu'elle a participé au catalogue de la récente exposition du musée Mayol en 2018 intitulé Fujita, peindre dans les années folles. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. J'ai pris la ferme résolution d'essayer de laisser des milliers d'œuvres. Si la moitié, le dixième, ou même le vingtième d'entre elles est bon, ce sera un honneur considérable. Le chef-d'œuvre ne se produisant que rarement. Étant donné qu'il est impossible d'être le peintre dont tous les tableaux seraient des chefs-d'œuvre, mon premier devoir consiste à peindre beaucoup. Le peintre ne peut s'attendre à ce que le seul tableau qu'il aura peint en un an attire l'admiration de tous. Être peintre serait plutôt amonceler des tableaux toute sa vie. Rodin a laissé une énorme quantité d'œuvres, et à ce titre, il mérite une considération éternelle. Citation du peintre dans la voix de Laurence Millet. Bonjour Anne Ledibérder. Mathieu Garrigou-Lagrange, bonjour. Merci d'être avec nous. On entend dans ces quelques phrases de Fujita l'immense ambition de ce peintre qui avait pour objectif rien moins, et vous le dites bien, que de devenir le premier peintre de Paris. Effectivement, Fujita est très ambitieux. Et quand il arrive à Paris en 1913, c'est un petit peu Rastignac. C'est à nous Paris, à nous la France. Mais c'est aussi un très grand travailleur et c'est quelqu'un qui a étonnamment construit son histoire. C'est un peu enfermé dans son histoire et on a un peu oublié maintenant que c'est un travailleur acharné et que c'est aussi effectivement un très très grand dessinateur et un artiste qui mérite d'être connu et reconnu. Mais si c'est un travailleur acharné, c'est qu'il lui a fallu trouver sa place au sein de l'art moderne occidental, à une période où il y avait des batailles quand même très puissantes. Des gens venaient de partout à Paris pour essayer d'être le premier des peintres parisiens. Effectivement, et Fujita arrive tardivement. Il arrive en 1913 et l'art contemporain est déjà en marche. Les cubistes sont déjà là. Beaucoup d'artistes sont présents. Donc c'est un des derniers de ce qu'on appelle l'école de Paris qui arrive. Et il arrive dans un paysage déjà constitué. Donc il va essayer de trouver sa voie. Et celui qui en parle le mieux, c'est Michel-Gabriel Vauquer, qui est son premier biographe, qui en 1924 va sortir sa première monographie. Michel Vauquer qui est connu, puisque c'était aussi le mari de Cora Vauquer. Et il explique très clairement que Fujita hésite pendant les premières années entre être le premier peintre japonais de Paris ou le premier japonais à avoir compris Paris. Et donc cette hésitation, nous allons la retrouver effectivement dans les années 10, enfin entre 1913 et 1921. Et à partir de 1921, éclate véritablement le peintre que nous connaissons grâce à la création en particulier de ses fonds blancs et de ses nus. C'est-à-dire qu'il reprend en fait un schéma que l'on connaît depuis la Renaissance, ces fameux nus allongés, ces odalisques, mais il va inventer une technique qui va fasciner les contemporains. C'est précisément parce qu'il hésite qu'il est intéressant, c'est par ces hésitations qu'il s'oblige à observer l'art occidental avec beaucoup d'attention. Exactement. Quand il arrive à Paris, il va arpenter le Louvre. Il a 27 ans. Il ne peut plus... D'abord, il est peintre diplômé, donc il n'envisage pas du tout de suivre une école. Et son école sera le Louvre. Il va prendre une carte de copiste. Mais à l'époque, les copistes ne pouvaient accéder qu'une demi-journée par semaine. Donc le reste du temps, il va copier, en particulier dans les cafés. Et c'est un artiste qui est amoureux des musées. C'est quelque chose aussi qui est très très fascinant chez ce peintre. C'est que c'est un peintre de citation. Donc chaque fois que nous voyons un tableau, on a l'impression que quelque chose nous est familier. Et ce quelque chose qui nous est familier, ce sont ses références à l'art occidental. Et notamment à la statuaire antique. Exactement. Alors ça, il va le découvrir un peu tardivement, un peu plus tardivement. D'abord, il va à Rome un peu plus tard. Il connaît bien évidemment Michel-Ange et il connaît les fameuses sculptures que nous avons au Louvre. Mais ce qui va le fasciner en premier, ce sont les primitifs italiens. C'est la peinture. Et ce sont les fonds d'or. Mmh. Et les premiers tableaux sur fond d'or faits par Fujita, ce sont des œuvres, Sylvie Busson l'a bien dit, il commence à peindre de l'art sacré dès son arrivée, ou quasiment. Et ce qui est fascinant quand on regarde ces tableaux, c'est que c'est le travail sur ce fond d'or. Le fond d'or, on le connaît aussi au Japon, on l'utilise dans les paravents en particulier. Mais là, il va les vieillir, il va les salir. Et c'est ce qui intrigue beaucoup. On a l'impression de voir des tableaux anciens. Mmh. Alors on va revenir, Anne Diberder, sur un certain nombre de choses que vous avez dites, parce qu'on pourrait déplier à peu près chacune de vos phrases. Revenons à l'âge de ses 17 ans et à ce rapport à la France ou à l'Europe. Est-ce qu'il faut dire l'un ou est-ce qu'il faut dire l'autre, qui est déjà très très présent parce qu'il est dans une école, il choisit d'être dans une école où on parle français. Il choisit effectivement d'apprendre le français. Sa famille est une famille de samouraïs, effectivement, mais ce sont eux qui sont les porteurs de la modernité. Ce sont eux, ce sont ces familles aristocratiques japonaises qui sont mandatées par l'empereur Meiji pour porter la modernité. Et cette modernité passe par l'enseignement du droit, de la littérature. Donc bref, c'est un moment d'ouverture. Voilà, alors. Exactement. Et Fujita est héritier déjà dès son enfance de ces deux traditions, la tradition japonaise, mais aussi l'idéal de modernité. Et donc, effectivement, tous les Japonais se tournent vers l'Europe, souvent plus vers l'Allemagne ou l'Angleterre d'ailleurs. Pour quelle raison ? Alors, l'Allemagne, parce qu'il y a des conventions, et entre autres des conventions de droit. L'Angleterre, c'est une fascination aussi esthétique. Et la France, eh bien, c'est le côté... beaucoup de missionnaires sont revenus également dans ces périodes-là. Perry, qui est un missionnaire français, a créé la première librairie française au Japon. Et donc, Fujita va s'intéresser effectivement à la peinture. Et donc, naturellement, on sait que Paris, la ville lumière, est la ville de toutes les créations. C'est le lieu où il faut être. Alors lui, s'il s'écoutait à 17 ans, il aurait déjà pris le bateau, il serait déjà parti à Paris. Mais son père, tout libéral qu'il est, tout adepte de la modernité qu'il se trouve être, quand même lui dit, bon, il faudrait faire les beaux-arts si tu veux vraiment être artiste, mais commence par les faire au Japon. Exactement, c'est un petit peu passe ton bac d'abord, mm-hmm. d'une certaine façon. Une façon aussi d'assurer l'avenir de cet enfant. Et il lui impose de suivre l'enseignement à l'école des beaux-arts de Tokyo. Et il va hésiter, Sylvie Husson l'a dit hier, il va hésiter pendant presque une année entre la technique occidentale ou la technique japonaise. Et il va choisir finalement la modernité, c'est-à-dire la peinture à l'huile. Mais ça ne va pas se passer tout à fait comme il l'espérait. Son attrait, et d'autres artistes vont le faire, y compris des artistes contemporains chinois, vont découvrir la peinture occidentale à travers les revues. Et donc Fujita voit ses revues, effectivement, et entre autres découvre Velázquez à travers ses revues d'art, à travers ce qu'il connaît. Et quand il va passer son examen probatoire en 1910, son travail de fin d'études, il va réaliser un autoportrait qui ne va pas forcément plaire à ses maîtres. Pourquoi ? Parce que déjà l'autoportrait, est-ce que c'est un genre japonais ? Déjà, l'autoportrait est plutôt un genre occidental. En plus, il va se représenter légèrement en contre-plongée, donc avec un côté un petit peu suffisant, une certaine forme d'orgueil. Et surtout, il va utiliser une palette... Pas très japonais, effectivement. Et surtout, il va utiliser une palette très sombre, une matière extrêmement fluide, qui est à l'opposé de la culture du plein air, de la peinture du plein air et du post-impressionniste, qui est considéré comme la grande modernité au Japon. Donc il y a déjà un malentendu avec son pays d'origine, dès le début. Le malentendu, il est aussi peut-être avec ses professeurs, qui même ceux qui sont censés faire venir justement la modernité occidentale au Japon, la font venir avec peut-être un petit peu de retard, et notamment sur l'idée qu'il faudrait peindre sur le motif, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas tellement Fujita quand lui regarde l'Europe. Exactement. C'est, pour Fujita, c'est la figure humaine qui est la plus intéressante, c'est le portrait. C'est un très très grand portraitiste. Et son aspiration, c'est effectivement de se libérer de tous les carcans. Et quand on lui pose la question dans les années 30, pourquoi êtes-vous venu à Paris et pourquoi y êtes-vous resté, il répond très simplement, parce que je suis libre ici. Et cette liberté, c'est vraiment l'élément essentiel. Fujita est un être libre. Comment vous comprenez le rapport, en particulier avec la peinture de la figure humaine ? Qu'est-ce que ça représente chez lui ou dans sa psychologie, selon vous ? Difficile de me mettre dans l'esprit, dans la tête de Fujita, même si ça fait longtemps que nous travaillons sur le sujet. 20 ans quand même, mais tout de même. Effectivement, Fujita s'intéresse à la figure, mais c'est un homme, un de ses anciens amis disait qu'il était philanthrope. Alors c'est un japonais, donc l'expression philanthrope ne correspond pas tout à fait à ce qu'on imagine. C'est un homme qui aime particulièrement les autres, qui a un intérêt pour l'humanité. On le voit dans sa peinture, il a une tendresse. Il y a vraiment un contraste entre le Fujita tel qu'on l'imagine, dandy, tel qu'il se présente, tel qu'il s'est construit, et l'homme intime. Et c'est vrai qu'en découvrant entre autres son travail de photographe, on s'aperçoit de cette grande humanité, cet intérêt également pour le quotidien, pour les enfants, pour les scènes de foule. Pour les animaux. Pour les animaux aussi. On a quelques collections dans notre fond d'animaux, c'est absolument inutilisable, des photos floues. Mais bon, il y a une tendresse chez cet homme, une gentillesse également. Et cette douceur et cette gentillesse, on la retrouve dans sa peinture. Et je pense que l'intérêt vient de là aussi, l'intérêt pour Fujita vient de là. Toujours est-il qu'au Japon, il ne se sent pas à l'aise. Est-ce que selon vous, il n'a pas eu d'autre choix au fond que de partir ? Je pense qu'il n'avait pas d'autre choix, effectivement. Je ferai désormais une peinture dont le style ne sera ni japonais ni occidental. En utilisant des matériaux occidentaux, je peindrai des toiles qui représentent le plus profondément la nature, là où se reflète l'esprit. Je voudrais peindre des tableaux qui, loin de sembler le fruit des forces humaines, reflètent la force immatérielle de la nature et dont on se demandera comment ils ont pu être réalisés. Des tableaux qui ne s'expliquent pas, mais qui suscitent l'imagination. Des paysages qu'on ne saura pas localiser précisément et qui, de ce fait même, seront éternels. Une peinture analogue à la musique et à la poésie, une peinture profonde, Voilà ce que je cherche à atteindre. Alors il y a dans cette déclaration qui date de 1913, l'année où il pose donc le pied en France, quelque chose de programmatique. Est-ce que cette idée, par exemple, d'une peinture qui ne s'explique pas mais qui suscite l'imagination, c'est quelque chose qu'il a déjà un petit peu théorisé? Est-ce qu'il sait déjà, quasiment en 1913, ce qu'il voit, ce qu'il va faire avec avec son œuvre? Je ne pense pas. Ce n'est pas quelqu'un qui théorise. Hein, c'est quelqu'un qui relève de l'ordre du sensible, de l'affectif d'une certaine façon. Ces petits paysages parisiens sont très étonnants. Ces premiers paysages ont des tonalités très sourdes, très tristes d'une certaine façon. Et il n'y a que peu de personnes. Peu de personnes. Alors c'est vrai que... Donc ça n'est plus le peintre de la figure tout d'un coup, qu'il arrive en France. Tout à fait. C'est assez étonnant parce qu'il commence par des paysages. Il va mettre, quand il arrive à Paris, il découvre la réalité de l'art contemporain. Il découvre les recherches, il découvre par l'intermédiaire de son ami Kawashima énormément d'aspects qu'il ne connaissait pas. Et puis il découvre la peinture du Louvre. Donc, il est confronté à toute une tradition qu'il reçoit en pleine figure d'une certaine façon et qu'il faut assimiler. Donc, il va mettre du temps à reprendre l'idée de la figure. Et ce n'est qu'à partir des années 20 où, effectivement, vont exploser ces fameux portraits, ces fameux nus. Mais avant, ce sont des recherches, et c'est une recherche qui part d'abord de ses errances à travers Paris. Il se promène beaucoup, il marche beaucoup. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ce sont des paysages très simples, très modestes. Ce sont les fortifications. Oui, il marche aux confins de Paris, d'ailleurs. Exactement. Il représente la banlieue, ce qui est assez rare. Et il y a toujours une poésie dans ces tableaux. Effectivement, on n'arrive pas à les repérer, on n'est pas capable. Il n'y a pas de grands monuments, mis à part quelques portraits, quelques tableaux autour de Montmartre que l'on peut identifier. Mais c'est plutôt l'atmosphère de Paris. Mmh. Et ce côté atmosphère, effectivement, sans parler d'Arletty, bien évidemment, mais ce côté atmosphère est quelque chose d'important chez Fujita. Et si je dis Arletty, c'est parce qu'aussi c'est un passionné de cinéma. Alors, vous avez insisté, comme hier aussi Sylvie Buisson, sur la formation au musée de Fujita. Il faut peut-être raconter un petit peu qu'un musée au Japon, c'est pas comme un musée en France. Quelle est finalement la différence de conception du musée dans l'un et l'autre de ces deux pays qui finalement peuvent aussi expliquer le choc que constitue pour Fujita la découverte vraiment du Louvre, le plus grand musée du monde? Alors la découverte du Louvre, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire religieuse majoritairement, donc il découvre aussi cela. Et c'est la peinture au Japon, c'est une peinture qui est d'usage d'une certaine façon. Nous faisons souvent le parallèle dans notre musée entre la céramique et la peinture. La céramique, pour nous, est utilitaire. Et la céramique, on la sort en fonction de la personne que l'on reçoit. Elle a un statut social. La peinture a un statut social au Japon. Et on sort le rouleau en fonction de la personne que l'on reçoit. Donc quelque chose qui est de l'ordre du privé, beaucoup plus que chez nous, où c'est plus logique finalement d'avoir accroché au mur des œuvres, et d'ailleurs des œuvres de différents artistes simultanément. Exactement. Et au Louvre, nous avons aussi la manifestation du religieux ou la manifestation de la royauté ou du pouvoir. Et vous avez également une peinture d'histoire qui n'existe pas au Japon. Et donc il va découvrir tout cela. Et il va découvrir également l'idée de conservation. C'est une chose que peu d'artistes ressentent, mais ce qu'ils voient, ce sont des tableaux anciens, c'est l'usure, c'est le vieillissement, ce sont des choses que l'on conserve avec une idée de respect du passé, qui n'existe pas forcément au Japon, puisqu'on reconstruit les temples, comme vous le savez. Alors en Europe, du coup, à Paris en particulier, quand il découvre ce musée dont on comprend qu'il n'est pas le même que celui qu'il a vu au Japon, il y a cette idée pour un Asiatique qu'on est dans un concert où il n'y aurait que des notes dissonantes, parce que tous les tableaux finalement sont chacun une note qui n'a rien à voir avec le tableau d'à côté, et tout ça, ça ne crée pas harmonie. Enfin, il faut apprendre pour Fujita à déceler l'harmonie que constitue une pièce de musée. Effectivement, et Fujita construit son imaginaire à travers le Louvre. Il l'explique également à de jeunes artistes à la fin de sa vie. Il explique qu'il faut aller dans les musées et choisir ce que l'on aime et ce que l'on apprécie et ce qui fait écho en soi. Oui. Et donc, il va chercher le détail. Et c'est ce côté patchwork, nous le retrouvons dans son œuvre après. Beaucoup de copistes prennent un tableau et le reproduisent en totalité. Fujita, lui, va s'attacher soit à un regard, soit à un geste, soit à un drapé. Et va intégrer comme cela un vocabulaire qui lui appartient, un vocabulaire propre. Et ce métissage, nous le retrouvons après. Est-ce que cette manière de regarder le musée, c'est un reniement de ses origines d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on peut le considérer, selon vous, Anne Le Diberdère? Non, je ne pense pas. Fujita est vraiment un passeur de culture. Et c'est ce qui est frappant aussi dans son œuvre. Quand il peint à destination du public occidental, il a des références japonaises où il pense au Japon. Et quand il peint à destination du public oriental, c'est l'inverse. Il essaye de faire comprendre la culture de l'autre. À Paris, où règne le conformisme, les artistes font exception, et Fujita, entre autres, rejette toute contrainte. À ses côtés, le peintre Kawashima, son ami et mentor, lui inculque les diverses manières d'aller à contre-courant de toutes les formes de modernisme. Les recherches de ces deux jeunes artistes en quête d'un nouvel art de vie proviennent non pas d'une simple curiosité ou de caprice éphémère, mais d'une forme de philosophie qui vise à retourner à l'ancienne époque grecque. Avoir un physique comme celui des Grecs et vivre comme eux, voilà ce dont ils rêvent, me semble-t-il, afin de retrouver les origines de la civilisation occidentale. Leurs tentatives me paraissent tantôt ridicules, tantôt insolites. Mais Fujita, indifférent au « qu'en dira-t-on », persiste. Au début, je me suis dit qu'il y avait de drôles de peintres à Paris. Mais maintenant, je ne peux plus me moquer de lui, car il s'efforce d'aller jusqu'au bout, avec ténacité. D'ailleurs, une fois habitué à cette tenue étrange, cela ne me paraît plus extravagant. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec cet extrait de L'étranger, un texte du poète et romancier japonais Shimazaki Tozon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce texte? Qu'est-ce qu'il faudrait en retenir selon vous? Il est vrai que l'expérience de avec Kawashima, hein, puisque c'est Kawashima qui l'a entraîné dans cette expérience de Duncan, c'est quelque chose de fondamental et de fondateur dans l'œuvre de Fujita. Donc l'expérience de Duncan Raymond Duncan est le frère aîné d'Isadora Duncan, et il a fondé une académie libre qui était située rue de Seine, l'Académie à Duncan, qui a perduré jusque dans les années 70, dont Alan Stivell a été un des élèves. Et il était à la recherche c'était une obsession familiale, à la recherche des racines grecques de la culture occidentale. Mmh. Cette académie libre accueillait toute personne, les femmes en particulier, ou les artistes qui avaient dépassé l'âge de 26 ans, puisque à passer 26 ans, on ne pouvait plus suivre l'enseignement des beaux-arts, par exemple. Et dans cette académie, on apprenait non seulement à peindre, mais aussi à sculpter, à tisser, à danser, à faire de la gymnastique. Alors ça, j'aimerais voir, mais bon. Et donc, Fujita s'habillait en toge, à la manière de Raymond Duncan, mais il a appris à coudre là-bas, il a appris à mélanger art et artisanat. Et cette fusion entre art et artisanat, nous allons la retrouver partout. Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire le lien avec le mouvement Arts and Crafts en Angleterre, où il s'agit aussi de mélanger l'art, l'artisanat, pourquoi pas la danse, pourquoi pas la littérature ? Exactement, et c'est ce que nous retrouvons d'une certaine manière également dans les années 20, avec cette réflexion sur l'art et sur l'association art, littérature, danse, théâtre. On a vraiment toutes les formes d'art et on a une fusion là encore. Donc on a vraiment un trait d'époque là. Exactement, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que Fujita jette la totalité de sa culture japonaise, nous avons cette impression en tout cas. Et donc il revient à la culture japonaise après cette expérience très babacool, hein, d'une certaine façon, puisqu'il va créer une colonie, il va s'installer à Montfermeil. Il achète un petit cabanon alors qu'il sera détruit quelques années plus tard. Très vite, parce qu'il est dans la zone de protection, ce cabanon est dans la zone de protection de Paris, et donc l'armée va les expulser très vite. Ça se trouve à Montfermeil. Voilà, c'est à Montfermeil, on a du mal à imaginer. Oui. Et Montfermeil, quand il écrit qu'il va construire ce petit cabanon, il y a quelques photos qui sont conservés au musée de Akita, dans la correspondance les lettres à Tomie. Il dit aussi, il fait référence à Koro en disant, mais c'est là où Koro dessinait également. Donc déjà, on a encore un ancrage autour de l'art. Et à chaque fois, la référence, c'est l'art. Et la référence, c'est toujours donc revenir aux sources de la civilisation. C'est là où c'est intéressant, parce que lui, ce qui l'intéresse aussi dans l'art occidental, c'est pas évidemment comme les peintres qui sont nés dans cette tradition-là, d'aller chercher peut-être encore plus loin à creuser une même tradition. Pour lui, il s'agit de la comprendre et de la comprendre profondément. Et pour ça, il faut retourner, vous l'avez dit déjà un petit peu, mais aux sources antiques. Et on retrouve en fait dans sa peinture les sources antiques de la civilisation occidentale et de son art, en même temps que la grande tradition japonaise. Effectivement, il s'inscrit dans les deux traditions. Il s'inspire de l'art étrusque, il s'inspire de l'art égyptien, avec Modigliani notamment. Après, il va s'inspirer, quand il osera s'attaquer au nu, à la nudité, chose qui n'existe pas au Japon. Donc il va lui falloir un petit peu de temps pour cela. Il va essayer de s'inspirer également de l'Olympia de Manet, par exemple. Donc le fameux nu à la toile de Jouy pointe exactement les mêmes dimensions et la même posture que l'Olympia de Manet. Donc il s'inscrit dans cette tradition. Mais pour lui, et c'est le malentendu que nous avons avec Fujita, pour lui c'est la modernité. La peinture à l'huile est une modernité, alors que pour nous, c'est une tradition et d'un classicisme que tous les artistes contemporains à ce moment-là essayent de dépasser. Et pour lui, le glacis est quelque chose de moderne, parce que complètement nouveau pour lui. Mais alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut dire que c'est un peintre classique ? Alors, c'est un peintre classique quand nous le regardons avec notre regard occidental, mais c'est un peintre d'une très grande modernité quand il se tourne vers le Japon. Mmh. Et sa référence à ce moment-là, c'est le Japon. Alors, quelque chose de la culture occidentale qu'il ne va pas forcément prendre à son compte, ou qu'il va peut-être choisir de rejeter, vous allez nous le dire, Anne-Lydie Berder, c'est le chromatisme. On est quand même en plein fauvisme quand il arrive à Paris, et lui, hormis certains tableaux, certaines périodes, il est quand même dans des toiles qui sont très souvent, non pas totalement monochromes, mais avec des jeux sur des teintes un petit peu similaires. Quel est son rapport à la couleur et à la couleur telle qu'on la pratique à Paris dans ces années-là? Au début de sa carrière, il va la rejeter, cette couleur. Il va au contraire prendre le contre-pied. Il cherche à trouver sa place. Il cherche à être singulier. Donc il va prendre systématiquement le contre-pied. Donc c'est quelque chose de conscient. C'est conscient. C'est conscient, pas qu'il aurait envers la couleur une sorte d'aversion particulière. Alors, on ne pourrait pas dire ça. Il y a en particulier au musée des Beaux-Arts de Reims un tableau qui représente son intérieur, qui date de 1939 et qui ressemble étonnamment aux intérieurs peints par Matisse. Donc ce n'est pas du tout un rejet de la peinture. C'est une appropriation qui vient tardivement chez Fujita, qui vient après, qui vient les années 20. Il commence à travailler la peinture en 1930. On a une série de 4 tableaux, d'ailleurs fortement inspirés à la fois par le surréalisme et la nouvelle objectivité allemande, où là, il utilise des couleurs extrêmement fortes, extrêmement criantes. Mais auparavant, oui, il travaille sur la monochromie, d'abord parce qu'il utilise du sumi, de l'encre japonaise. Il travaille sur la ligne, et c'est une façon aussi de valoriser la ligne. Donc c'est une stratégie de distanciation et de reconnaissance aussi de sa tradition personnelle. Exactement. Il n'a jamais changé de technique. Première fois que je suis entré dans son atelier, j'ai vu sécher au mur des petits carreaux très blancs. Et je lui ai demandé, c'est laqué ? Il me dit, mais non, je ne laque jamais. Je prépare toujours mes toiles avec du blanc d'argent au couteau. Plusieurs couches. Et quand elles sont presque sèches, je commence à dessiner là-dessus, mais avec des couleurs extrêmement transparentes et extrêmement pures. Et s'il dessinait très vite un portrait, par exemple, un portrait dessiné, la peinture lui prenait beaucoup de temps. Je l'ai vu chez Anna de Noailles, chez la poétesse Anna de Noailles. Il a mis 3 ans à faire son portrait. Il n'y allait pas tous les jours, évidemment. Je crois qu'il a traîné un peu parce qu'il devait être amoureux de cette poétesse, amoureux tout à fait platoniquement. Et Fujita mettait chaque fois sur le grand panneau de lac une ombre légère comme son thé doré, laissait ses pinceaux, laissait sécher, revenait, et enfin j'ai assisté au dernier coup de pinceau et à la signature. C'était le peintre Michel, Georges Michel, interrogé en 1968. C'est ça, Anne Le Diberda, la marque de Fujita, cette technique qui crée une sorte de transparence dans ses tableaux. Effectivement, il va mettre au point ce qu'on appelait les fonds blancs, les grands fonds blancs. Et c'est quelque chose qui va vraiment impressionner les contemporains et qui nous impressionne encore. C'est un secret d'atelier. C'est un secret d'atelier, c'est quelque chose dont il est parfaitement jaloux. Son ami Toshio Bando va essayer de l'imiter et Fujita ne va pas du tout apprécier. Il ne va pas du tout apprécier que l'on essaye de le copier. La question de la monochromie est une question qui traverse quand même les années 20. Il y a quelques tableaux monochromes, notamment de Picasso, le fameux portrait d'Olga, qui est conservé maintenant à Lille, hein, qui est posé, qui est inachevé, où on a vraiment ce travail sur le trait qui demeure aussi. Exactement. Et voir ce tableau utilisé avec les mêmes techniques et les tableaux de Fujita permettent de comprendre la différence. Vous pensez que Picasso a regardé Fujita ? Je pense que la préoccupation était similaire, mais parallèle. Picasso et Fujita ne se fréquentaient pas forcément. Ils se connaissaient, ils s'estimaient, ils s'observaient probablement, mais il n'y avait pas de relation particulière. C'est pas le même genre quand même. Pas du tout, pas du tout. On imagine toujours que l'école de Paris est une école cohérente. Ce n'est pas le cas. Sophie Krebs en parlerait beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est très spécialiste de la question, mais elle le souligne vraiment, ce sont des groupes qui se connaissent, qui se croisent, mais il y a des groupes vraiment autonomes. Et Fujita et Picasso n'ont pas de relation particulière. Mais on peut dire qu'il y a du respect de Picasso pour Fujita, ça on peut l'affirmer quand même. D'un côté comme de l'autre, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et une admiration mutuelle, je pense. Mais pour ces fameux fonds blancs, la technique que va adopter Fujita, effectivement, on a l'impression, quand on voit un tableau de cette période, que nous sommes en face d'une peinture sur ivoire ou d'une peinture sur porcelaine. Il y a une transparence, une opalescence qui est obtenue et qui est absolument spectaculaire, puisqu'il travaille, comme le dit Michel, Georges Michel, avec ce qu'on appelle le blanc d'argent, c'est du blanc de plomb. Donc c'est la céruse, et le blanc de plomb est la couleur la plus mate et la plus opaque qui soit. Et la technique de Fujita, effectivement, c'est de rajouter des couches, et dans les dernières couches... Mais des couches très fines. Très fines, effectivement. C'est presque des calques superposés. Exactement. Et il va lisser cette préparation quand elle est encore légèrement humide. Et il va rajouter du talc. Donc ce talc va permettre d'obtenir cette opalescence. Et sur cette toile, qui est extrêmement polie, qui est vraiment... très étonnante, très surprenante. Il va rajouter, il va peindre, il va dessiner d'abord. Il va dessiner au pinceau, avec un pinceau de calligraphie. Et avec des pinceaux aussi généralement beaucoup plus fins que ceux qui sont utilisés par ses confrères peintres. Exactement. Ce sont des pinceaux japonais qui sont destinés à l'écriture essentiellement, ou à la peinture, mais une peinture faite horizontalement. Et il l'utilise en peignant verticalement, ce qui est déjà une prouesse. Et il a une telle maîtrise de son geste qu'il n'y a quasiment pas de dessin préparatoire sur ses toiles. Tout cela parce qu'il dessine beaucoup avant, il prépare un petit peu comme un artisan d'estampes. Il travaille beaucoup ses dessins préparatoires. Donc il est très jaloux de cette technique, mais est-ce que c'est une technique qu'il invente lui-même ou qu'il importe du Japon ? Alors c'est un mélange des deux. Il utilise des matériaux occidentaux, mais une technique japonaise. Et il introduit effectivement le talc, qui est quelque chose que l'on ne connaît pas dans la peinture sur chevalet, et qui va donner ce côté c'est très particulier et qui va réellement fasciner. Il va donner cette notoriété, confère à Fujita un statut particulier. Alors vous avez parlé de l'artisanat d'art, c'est même un mot qui revient comme ça assez souvent dans notre conversation. Pour plusieurs raisons, j'imagine. D'abord parce que les arts décoratifs, c'est vraiment les années 20, d'abord. Et aussi parce qu'il y a ce côté très parfait dans la peinture de Fujita, qui tire justement vers l'artisanat d'art. Est-ce que justement, ça n'est pas quelque chose qui a pu lui causer du tort ? Tout à fait. Fujita est considéré comme un peintre décoratif. C'est ce que disait André Malraux, d'ailleurs, de Fujita, qu'il connaissait. Ça vous semble vrai ? Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. C'est quelqu'un qui s'intéresse au décor, déjà. Surtout à la fin des années 20. Et qui va recevoir des grandes commandes parisiennes de décor. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aux objets. Peut-être parce qu'il est nomade. Mais c'est quelqu'un qui introduit même dans sa peinture des objets. Et puis, c'est également quelqu'un qui est fasciné par tout ce qui est ornemental. Parce que c'est un autre mode de vie. Ce n'est pas du tout. Et là, c'est aussi une façon de découvrir l'art occidental. Et l'art décoratif est particulièrement intéressant et important dans les années 20. Mais du coup, ça le renvoie un petit peu dans la sphère de la bourgeoisie cultivée qui fait redécorer ses salons, les grands paquebots qui sont décorés aussi par des tables conçues par Fujita. Du coup, ça brouille aussi un petit peu l'image de l'artiste telle qu'on se la représente habituellement. C'est vrai qu'il est dans le décoratif, il n'hésite pas, cela ne le gêne absolument pas. Ça, c'est très japonais aussi. Ça ne le gêne pas. Il apprécie de travailler la céramique, il apprécie de créer des vêtements, il apprécie de réaliser beaucoup de gravures. C'est un très grand graveur. C'est quelqu'un qui va illustrer plus de 50 ouvrages, dont les trois quarts ont été faits dans les années 20. Et c'est quelque chose qui ne l'ennuie pas. De même que c'est un peintre que l'on considère comme mondain parce qu'il a beaucoup de commandes. Alors ça, c'est jamais très bien vu du côté occidental. Mais lui, ce n'est pas quelque chose qui l'ennuie. Et c'est toujours très intéressant de voir ses portraits, justement, parce qu'on s'aperçoit que l'objet est plus important que le personnage. Mmh. Je pense notamment au portrait de Madame Philippe Berthelot. Qui pose devant un aquarium, et l'aquarium est bien plus important et beaucoup plus spectaculaire que le portrait de madame. Alors quand vous parlez d'objets, j'ai en tête cette gravure de Fujita qui s'appelle « Les objets familiers de l'artiste ». On peut y voir un certain nombre justement de petites choses. Donc, il y a ces fameuses lunettes qui ont fait beaucoup pour sa notoriété. Il y a une clé, il y a un escargot. Bon, c'est pas vraiment un objet, mais enfin, il figure là avec d'autres objets comme une palette, un corps de chasse ou des ciseaux. Est-ce qu'il y a une âme dans ces objets pour Fujita ? Pourquoi est-ce qu'il les grave ? Pourquoi est-ce qu'il les peint ? Alors, il y a déjà une tradition au Japon, ce sont ces petites cartes qui sont des cartes de vœux, les souris Momo, où il y a beaucoup d'objets usuels. Et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que ce sont des cartes qui sont très luxueuses, mais les objets représentés sont des objets usuels. Il a un tsutsugaki, c'est-à-dire en fait un édredon, enfin une couverture de futon, qui représente les objets nécessaires à la cérémonie du thé. Donc les objets au Japon ont une valeur particulière. Et effectivement, il est très très attaché à tout cela. Il représente beaucoup d'objets usuels dans ses tableaux, dans ses arrière-plans. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver tout au long de sa vie. Y compris à la fin de son existence, quand il réalise des paravents pour sa maison-atelier, où vous avez énormément de petits objets que l'on retrouve dans la maison, mais qui sont représentés soit en pochoir d'un côté, soit en métal travaillé par lui. Donc vous avez exactement la même chose. Vous pouvez avoir un sabot, vous avez la palette, les pinceaux, une lampe pigeon, enfin ce genre d'objets. Nous, les Japonais vivant en Europe, Nous avions beau nous habiller à l'occidental, nous installer devant un chevalet et peindre des tableaux imitant des œuvres occidentales, les Européens, eux, ne nous regardaient pas comme des grands peintres, comparables à Cézanne et à Van Gogh. C'est pourquoi j'ai cherché à faire ce que les Européens ne peuvent pas faire. Vous êtes formidables, d'accord. Mais si je réalisais un tableau que vous, les Européens, seriez incapables d'imiter, qu'en diriez-vous ? Les règles de l'art ne sont pas absolues. Elles sont établies par l'homme et non par Dieu. Nous avons donc droit de créer nos propres règles. Les Européens sont admirables. Mais moi aussi, je dispose d'un grand trésor hérité de la Chine, de l'Inde et de l'Orient. Et si j'en profitais pour rivaliser avec eux ? C'est ainsi que j'ai commencé à mettre en œuvre ce que j'avais conçu. Les artistes représentent le corps humain, chacun selon son principe. Rubens a peint le gras, Renoir le sang, Picasso la structure des corps. Et moi, j'ai voulu peindre un nu d'une manière un peu différente. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que personne, jusque-là, n'avait peint la peau. Or, la peau est une qualité humaine et l'un des éléments les plus importants de la peinture. J'ai donc décidé de peindre la peau. Contre ma peau, ta peau, ta peau, ta peau, contre ma peau. Une lecture par Laurence Millet d'un extrait d'une conférence donnée par Fujita à l'école des Beaux-Arts de Tokyo. C'est ça, Anne Le Diberder, qui l'apporte aussi à l'histoire de l'art, la peinture de la peau comme personne avant lui. C'est ce qu'il a essayé de faire, c'est l'enjeu de ces fameux fonds blancs et de cette opalescence. Et l'enjeu est également d'être reconnu comme artiste. Ce qu'il dit au début est très important. J'ai été frappée par les critiques de... des critiques d'art portant sur Fujita, où à chaque fois on minimise, on dit c'est un très grand artiste, mais il n'est pas de chez nous. À chaque fois je me dis que ça se finirait au tribunal actuellement, tant il y a une forme de racisme. Et je pense que ce sont des artistes qui ont eu beaucoup de difficultés à effectivement être reconnus, ce qui explique peut-être aussi cette envie de s'inscrire dans cette tradition occidentale, de rentrer dans les musées et d'être reconnu comme tel, reconnu comme un artiste occidental. Et ce qui explique peut-être aussi cette attitude dans la vie de Fujita qui consistait à faire de sa personne une œuvre d'art, à devenir lui-même un personnage. Exactement, je le disais au tout début, il s'est créé un personnage, il s'est inventé un personnage. Il en a été prisonnier d'ailleurs, hein, puisqu'on a complètement oublié son œuvre pendant longtemps. On ne voyait que le mondain ou que l'idole des balles, mais on ne voyait pas l'artiste. On ne voyait plus l'artiste. Donc il se met en scène, un peu comme Oscar Wilde, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il fait beaucoup d'autoportraits aussi. Est-ce que ça va ensemble ? Qu'est-ce qu'il trouve finalement dans ses traits tels qu'il souhaite qu'on les voit sur la toile ? C'est aussi une mise en scène de soi-même ? C'est moins une mise en scène de lui-même qu'une façon de se représenter dans sa réalité. Il est très frappant, et nous avions essayé de le mettre en évidence au musée Mayol, il est très frappant de voir la différence entre les photographies de Fujita, où il se met en scène, littéralement, il joue, il imite Chaplin même de temps en temps. Il invente une figure et quand il se représente, c'est un homme au travail, dans sa simplicité, dans sa modestie et dans son quotidien. Et il y a vraiment un paradoxe, hein, parce qu'en règle générale, l'autoportrait tel qu'on le connaît, c'est une façon de se représenter, c'est un portrait social. On se représente dans le statut de peintre. Et Fujita se présente dans le statut du travailleur et de l'homme humble et de l'homme modeste qu'il est. Un petit peu comme la maison atelier que vous dirigez, Anne Le Diberder, est une maison finalement assez humble, assez modeste, qui va assez à l'encontre du dandy qu'on se représente quand on imagine Fujita. Effectivement, c'est une maison extrêmement modeste, de par ses dimensions, de par son installation. Et ce qui est frappant, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité de cet artiste et on le comprend vraiment quand on rentre dans ce lieu. Et Madame Fujita, Kimio Fujita, l'a laissé en l'état. et à respecter le dernier vœu de son mari, qui a acheté cette maison avec comme objectif de l'ouvrir au public et de faire en sorte que les générations suivantes puissent rentrer et comprendre qui il était. Alors pour revenir sur le rapport à la photo, il y a plusieurs choses à dire, notamment qu'il se faisait prendre en photo, non seulement lui prenait des photos, mais il se faisait aussi prendre en photo et notamment en studio. Exactement. Il joue de son image et il aime beaucoup. Hein. Il va, dès qu'il obtient un petit peu de, dès qu'il est un petit peu plus aisé, il va payer, il va acheter ses photos, il va poser. Donc il se met en scène, littéralement. Après la guerre, ça sera autre chose. Ce sont les artistes qui viendront le voir. Une des premières photos prises en 1950, c'est Robert Doisneau qui le fait, qui frappe à sa porte et qui lui demande de le prendre en photo. Il n'y a pas de photo de Man Ray dont on parlait la semaine dernière ici? Non, il n'y a pas, à ma connaissance, de photo de Man Ray. On a des photos d'artistes connus, Bérénice Abbott notamment, qui était aussi une de ses amies, et puis Madame Dora. Une personnalité assez étonnante. Ce sont des photos presque mondaines et très très différentes des photos que nous verrons à la fin de sa vie, où il ne se met plus en scène. Alors. Mais du coup, il y a un petit côté warholien chez Fujita, justement dans sa façon de se présenter lui-même, de se vendre, pourrait-on dire lui-même. Ah oui, il se crée une image et il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup d'artistes de l'école de Paris le font. Mais lui pousse jusqu'à l'extrême cette mise en scène. Il laisse faire, il laisse dire, il apprécie. Hein, il s'est inventé une coiffure, il s'est inventé une allure. Et puis, il ose... il crée des vêtements, il ose s'exposer en maillot de corps, en marcel, chose qu'on ne faisait jamais. Il porte des tatouages, qui est aussi une transgression, comparé puisque ce ne sont que les voyous au Japon qui portent des tatouages, avec une montre à l'heure, donc il est tout le temps à l'heure. Il porte des bijoux. Ce n'est pas une très grosse transgression, la montre à l'heure quand même. Pour lui, je pense que c'est assez étonnant de figer l'heure alors que c'est un Japonais et probablement était-il en avance à chaque fois à ses rendez-vous comme tous les Japonais. Donc c'est forcément une transgression. Mais la transgression, c'est le tatouage, bien évidemment. Et puis, il s'habille de façon très étonnante, très surprenante. Il crée ses vêtements. Et c'est un hipster avant l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui va intéresser la mode jusque dans les dernières années, puisque Raf Simons va utiliser les fameux grands tableaux pour faire une collection d'été pour hommes en 2011, si mes souvenirs sont bons. Donc les grands tableaux, ce sont ces grands formats justement très blancs, très opalescents, avec des traits qui semblent presque au crayon de papier, tellement ils sont légers, et que d'ailleurs vous allez restaurer et remontrer au public. Alors ces tableaux sont la propriété du département de l'Essonne, et effectivement nous sommes en cours de projet. Le musée, un nouveau musée va s'ouvrir, un écrin pour ces grands tableaux qui ne peuvent pas être exposés au public dans la maison Fujita en raison de ses dimensions. Et donc c'est rendez-vous dans 2 ans, puisque le projet est largement avancé. Et nous pourrons revoir et montrer ces tableaux que Fujita considérait comme étant ses chefs-d'œuvre de sa période parisienne. Et c'est ce qu'il écrit à Yuki quand il la quitte. Il dit « Je te laisse tout, j'abandonne tout et je te laisse ce que j'ai fait de plus beau ». Ce sont ces 50 tableaux. Alors revenons un petit peu à la photographie, parce que vous y consacrez quand même de nombreux paragraphes, Anne-Médie Berder, et notamment, alors ça m'a beaucoup surpris, la référence à Adjé. Quel rapport entre le photographe Adjé et l'œuvre de Fujita? Alors Adjé était un peintre, hein. Il a été peintre, et il s'est vite rendu compte que les artistes avaient besoin d'une documentation. Et il a mettait à disposition ses photos pour les artistes de Reims. Il y a eu une vente en 2016 des œuvres d'Adjé achetées par de Reims. De Reims, Vlaminck, Utrillo étaient propriétaires de ces de clichés d'Adjé qui servaient de documentation. Et Fujita en a acheté. Et Fujita s'est intéressé à Adjé très vite. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les points de vue, notamment dans ces petits paysages parisiens, sont les mêmes et sont similaires. Alors comment justement peut-on creuser ce rapprochement? Parce que dans les photos que vous reproduisez, il y en a très peu d'ailleurs hein, dans le catalogue qui sont les photos de Fujita. Au contraire, on a des cadrages qui cherchent à ne pas ressembler à des tableaux, parce qu'on est là à un moment où la photographie cherche probablement à se distancier de la peinture. Donc des cadrages en contre-plongée très puissantes, ce genre de choses. Avec Adjé, c'est pas la même chose. On est plutôt dans l'aspect documentaire. Justement. Alors, quand il des couvragés, il est au tout début de sa carrière, il va les utiliser essentiellement pour ses premiers tableaux. Il va, et nous ne les avons pas représentés, mais nous avons plus de 2000 clichés de Fujita. Quelques-uns viennent de cette période des années 20, et c'est très frappant parce que ce sont des photographies de la zone, ce sont des photographies très très particulières. Par contre, il est fasciné effectivement par la nouvelle photographie. Il est fasciné par le travail de ce point de vue. Et donc, il va, à la fin des années 20, quand il va quitter Paris, il part avec un appareil photo, un Leica. Et ces photographies-là sont plutôt de cette période-là. Ceci explique cela. Depuis 2 mois et à la moyenne de 14 heures par jour, Fujita a créé. Sa chapelle est située au cœur d'un quartier résidentiel dans un parc verdoyant mis à la disposition de l'artiste. De style roman, l'édifice construit en surplomb éclate dans toute sa blancheur. Une fois la lourde porte franchie, un autre jeu de lumière s'offre au regard. Sous le plafond bleu aux poutres apparentes, les vitraux et les fresques où se mêlent étroitement le bleu et l'ocre. Cette œuvre, la réalisation de cette chapelle, c'est pour Fujita la plus belle des actions de grâce à la fin de sa carrière. C'est le résumé de ma vie. J'ai déjà 80 ans. Alors je ne peux pas faire maintenant ces grosses œuvres. C'est la dernière grande œuvre que j'ai faite. Et puis, résultat de tous mes 80 ans d'efforts. On termine avec ces actualités de France Inter du 25 août 1966. Anne Le Diberder, la conversion au catholicisme de Fujita est assez tardive, mais sa conversation avec l'art religieux, on l'a dit, remonte à très loin. Qu'est-ce qu'il cherche à peindre avec cette chapelle? Est-ce qu'il cherche à peindre la paix? Est-ce qu'il cherche à retrouver cette part de sacré qui lui est personnelle, là, au-delà de l'art? Quelle est votre analyse sur tout cela? Effectivement, il choisit comme vocable Notre-Dame de la Paix. Je crois que ce n'est pas anodin. Il a vécu 2 guerres mondiales. Il a été impliqué assez fortement dans le conflit du Pacifique. Il en est ressorti profondément marqué. Marqué également par les querelles. Et c'est quelqu'un qui aspire à cette paix. Une paix intérieure et une paix dans le monde. Il a été très frappé par l'encyclique de Jean XXIII, qu'il a rencontré d'ailleurs. Il se convertit tout en disant, c'était dans une interview télévisée, j'ai été converti par le Louvre, ce qui dit beaucoup. Donc aussi. C'est les icônes finalement qui l'ont converti. Il y a quelque chose de cet ordre et de l'adhésion, là encore, à la culture occidentale, même si la part intime d'une conversion est quelque chose qui est difficilement compréhensible ou analysable, puisqu'il en a très peu parlé. Il a décidé de réaliser une chapelle très vite, mais c'est aussi dans l'air du temps. Son ami Cocteau en a 2 à son actif, son ami Matisse en a 1 également. Donc il a cette envie aussi de s'intégrer dans ce mouvement. Et il envisageait de la réaliser plutôt à côté de sa maison à Villiers-le-Bacle. Il va chercher un terrain. Et c'est son ami et mécène, Georges Prade, qui était le PDG du Champagne-Mont, qui va lui proposer les financements. Donc sur un terrain... Sur un terrain appartenant au Champagne-Mont. Et donc il va réaliser cette chapelle tout en la concevant à Villiers-le-Bacle. Donc il y a un lien très fort entre Reims et Villiers-le-Bacle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il se réfère là encore à la Renaissance italienne. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. On a commencé cette émission en se demandant si Fujita allait devenir le premier peintre de Paris. Est-ce que pour vous, finalement, oui? La réponse est oui. Le premier peintre japonais de Paris, oui, certainement. Il a eu une très grande notoriété. Concurrence. En termes de concurrence, c'était quand même l'enfant chéri des années 20. C'était quelqu'un qu'on n'a pas oublié. Alors qu'on le croyait au moment de Nagasaki, certains journaux ont titré sur sa mort alors qu'il était parti depuis très longtemps. Et il a été accueilli en héros quasiment en 1950 quand il est revenu. Merci beaucoup Anne Diberder de nous avoir éclairé sur l'œuvre du peintre franco-japonais Fujita. Je renvoie de nouveau au catalogue de l'exposition qui s'est tenue en 2018 au musée Mayol sous le titre Fujita, peindre dans les années folles. Vos autres publications seront en ligne sur le site de France Culture. Tout de suite, c'est la chronique en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie de la revue en ligne En attendant Nadeau, avec vous Pierre Benetti, bonjour. Bonjour. Trois sujets aujourd'hui issus de votre revue. Le premier, c'est un article de Gisèle Sapiro sur le livre de Marie-Ève Terenti, Femme de presse, femme de lettres, chez CNRS Éditions. Oui, c'est un article qu'on peut trouver dans notre numéro en ligne. Gisèle Sapiro, qui est sociologue de la littérature, nous rend compte de ces itinéraires de femmes de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, engagées dans la pratique du journalisme, de l'écriture, ce qui était pour elles une manière d'entrer dans le monde des lettres, à un moment où il était très difficile de se faire une place dans un milieu essentiellement masculin. Et donc c'est une histoire assez occultée et en même temps qui a été souvent héroïsée. Et donc contre ce double mouvement, voici une recherche précise, documentée, sur les conditions d'existence et de travail de ces femmes assez extraordinaires, il faut dire. On peut penser à Séverine, assez connue, et Marguerite Durand, un peu moins, qui ont créé La Fronde, donc journal proprement féminin, en 1897. On peut penser aussi à Alexandra David-Neal, avec ses grands reportages. Donc ce sont des femmes qui sont passées de petites formes, en tout cas de formes d'écriture jugées petites, comme la chronique par exemple, jusqu'à créer leurs propres journaux, jusqu'aux grands reportages au bout de cette histoire. Alors votre une de mercredi, elle porte sur une poétesse amérindienne, Joy Harjo, qui publie ses souvenirs. Oui, c'est le premier livre traduit en français de cette poétesse née en 1951 au Nouveau-Mexique. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans cet article qui sera à la une demain d'En attendant Nadeau, c'est de rappeler que la langue anglaise peut être investie par le monde amérindien. Alors ce n'est pas une contre-conquête, mais c'est bien dire qu'il y a eu une rencontre à un moment dans la langue de cet héritage-là avec la littérature américaine. Donc cette autobiographie sociale et littéraire qui revient sur le parcours de Joy Harjo maintient un lien aussi avec les ancêtres, avec un monde ancestral à travers une écriture en prose certes, mais très incantatoire, concise aussi, lyrique. Et on attend la traduction de ces autres textes en français qui nous manquent. Voilà, et puis ce qui est formidable, c'est qu'on pourra lire tous ces articles dorénavant sur une application, l'application D'En attendant Nadeau, téléchargeable sur téléphone portable et tablette. Oui, on est très contents parce qu'on fête 4 ans d'existence demain. Et pour fêter cet anniversaire, tout en inventant de nouvelles formes de lecture, on a eu le projet de créer une application littéraire gratuite, indépendante, qui reste dans l'esprit de ce journal, qui va nous permettre, à la fois de rester fidèles à nos lecteurs. Il y a une moitié de nos lecteurs qui sont aujourd'hui sur téléphone mobile, donc de les aider un peu à nous lire un peu mieux. On proposera une bibliothèque personnelle d'articles qui sera possible grâce à cette application. Un mode de lecture aussi hors ligne. Et c'était l'idée aussi de déplacer la littérature et les idées hors du livre, en tout cas de rester lecteur de livres, mais de bien dire qu'il y a une autre manière aussi de faire circuler les idées du moment, donc à travers notre site et à travers l'application, toujours pour une circulation libre, indépendante des créations contemporaines servies par une critique indépendante. Et comme en plus on vous lit partout dans le monde, on pourra d'autant plus le faire grâce à cette application. Merci beaucoup Pierre Benetti. Je renvoie nos auditeurs donc sur votre revue www.enattendantnado.fr, en attendant donc de pouvoir télécharger sur le magasin d'application votre nouveauté. C'était la compagnie des œuvres. Laurence Genepin, Laurence Millet, Hélène Rivière, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Élise Le. Demain, suite de notre plongée dans les années 20 avec un premier épisode sur Gabrielle Chanel grâce à Isabelle Fiemeyer. Ce soir à 20h30, n'oubliez pas le feuilleton septuagénaire de Charlotte Brontë. Et dans un instant, c'est les sciences que vous allez retrouver sur notre chaîne.